Sortir se dit uscire. U-S-C-I-R-E. Uscire. Puisque S-C suivi d'un E ou d'un I se prononce CH. Je sors, c'est esco, par contre, avec un son que. Puisque là, on a un O après le S-C. Maintenant, réfléchissez et dites-moi comment on traduit « vous sortez ». Partez de l'infinitif. Sortir, qui se dit ? Uscire. Uscire, oui. C'est donc un verbe en « ire ». Ire, tout à fait. Sachant cela et sachant que « je sors » se dit « esco », comment allez-vous dire « vous sortez » ? Je vous ai dit tout à l'heure que « sc » suivi d'un « e » ou d'un « i » se prononce « esce ». « Esce », c'est ça. Je sors « esco ». Vous sortez « esce » avec le « e » qui caractérise le « vous », le « il » ou le « elle » des verbes en « ire ». Comment direz-vous « je sors ce soir » ? Esco stasera. Esco stasera. Mm-hmm. Et comment demanderiez-vous vous sortez ce soir? Esce stasera. Voilà, esce stasera. Maintenant, imaginons que vous vouliez dire je ne veux pas le faire. Comment diriez-vous ça? Non voglio farlo. Bien. Non voglio farlo. Si vous voulez dire au contraire, j'ai envie de le faire, vous direz en italien, ho voglia, j'ai envie. Et après ça, di. J'ai envie de, ho voglia di, suivi du verbe. Alors, que donne j'ai envie de le faire? Ho voglia di farlo. C'est ça. Ho voglia di farlo. Maintenant, nous allons dire je ne veux pas rester ici. Ou plutôt, je ne veux pas rester à la maison ce soir. J'ai envie de sortir. Je ne veux pas, pour commencer. Nono voglio. Pardon, répétez s'il vous plaît. Nono voglio. Je ne comprends pas ce nono. Non. Non. Oh. Ah, je vois, vous essayez de dire « je n'ai pas envie », mais de toute façon, c'est « non ho voglia » et non pas « non ho voglio », qui ne veut rien dire. Ah, d'accord. C'est clair maintenant ? Oui. Donc, reprenons. « Je ne veux pas » se dit ?« Non voglio ».« Non voglio », oui. Mais « je n'ai pas envie »« non ho voglia ». Non ho voglia. Voilà. Donc, reprenons depuis le début. Je ne veux pas rester à la maison ce soir. Non voglio restare. Oui. Alla casa. Non, pas alla casa, mais tout simplement a casa. Non voglio restare a casa. C'est... Ce soir. Stasera. C'est ça, oui. Non voglio restare stasera. Vous oubliez à la maison. Je ne veux pas rester à la maison ce soir. Non voglio restare a casa stasera. Voilà. Non voglio restare a casa stasera. Et maintenant, terminons notre phrase. J'ai envie de sortir. Ho voglia di... Bien. Ici, vous avez voglia, qui est un nom, donc ho voglia di, suivi du verbe sortir, qui se dit comment déjà? Uscire. Ho voglia di uscire, c'est ça. Non voglio restare a casa stasera, ho voglia di uscire. Comment allez-vous dire maintenant? Je ne veux pas le faire maintenant. Non lo voglio farlo. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Non lo voglio farlo ora. Vous avez traduit deux fois le, non? Non lo voglio. Là, ça fait une fois. Ah oui, non voglio farlo ora. Bon, c'est bien. Vous êtes rattrapé. Reprenez depuis le début. Je ne veux pas le faire maintenant. Non voglio farlo ora. Voilà. Non voglio farlo ora. Ou autre solution, vous pouvez aussi mettre lo. Non lo voglio fare ora. Bien. Non lo voglio fare ora. C'est clair? Bon. Comment diriez-vous je n'ai pas envie de le faire maintenant. Non ho voglia di fare. Reprenez, s'il vous plaît. Non ho voglia di farlo ora. C'est ça, oui. Non ho voglia di farlo ora.